caution système, sommes mes alliés. Oh oh oh oh oh oh. Tu ne peux pas tester. Na na na na na na. Quand j'arrive dans la phase garçon, tu ne peux pas tester. Pyromane et caution système, on vient tout déchirer. Oh oh oh oh oh oh. Tu ne peux pas tester. Na na na na na na. On est bien préparé.